This world, what you gonna do about this world?

Este poste morte de jour, c'est mauvais. Come on now, Nanesh. Come on now, Nanesh. Qu'est-ce que tu penses du monde avant que le jour soit levé? Non, Nanesh, je veux pas. Je suis là. Thank you. Don't let the love get away. The whole family. Thank you. Mm-hmm.